Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scott, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Cette semaine, une très grosse émission, comme à l'habitude, mais vraiment une très grosse émission, parce qu'il va y avoir, entre autres, là, c'est la semaine de Madame Chantal de Campagnade Distribution d'Oud, qui va venir nous parler de jeux de plateau, d'événements ludiques. On va vous parler d'une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui aussi, l'annulation de la convention Cap et Kimono à Québec pour l'année 2012. Triste pour la communauté, mais qui s'explique très bien. On va en parler tantôt après avoir parlé à Chantal. Et on a aussi le retour pour une émission de monsieur François G. Couillard, fondateur, grand Manitou, beau bonhomme de Puissance Maximale. Comment ça va, François? Allô, allô, je suis content d'être là. J'espère que t'es... En fait, on t'a accroché parce qu'il y a un petit 5 à 7, le producteur à CKIA. D'habitude, quand il y a des chips et de la bière gratuite, là, vous allez me voir me pointer là, dans les événements. Donc, Andrew, faut prévoir ça dans les budgets. Et la voix que vous avez entendue, c'est la voix de M. Andrew Castegan, notre roux metteur en onde et chroniqueur à Puissance Maximale. Comment ça va, Andrew? Ça va toujours très bien. À votre service pour... satisfaire vos oreilles de cette charmante musique et de ces nouvelles. Excellent. Oui, cette semaine, c'est ça. On va vous parler aussi un peu de nouvelles ludiques après avoir parlé de ces deux sujets. Rapidement, début d'émission, comme à l'habitude, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos anciennes émissions, podcasts, nouvelles et autres choses ludiques. Vous pouvez aller aussi nous aimer sur la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, dans la barre de recherche, tapez Puissance Maximale. Vous allez nous trouver sous l'onglet Station de radio, je pense. Sur internet, allez nous aimer parce que nous, on vous aime. Il y a toujours le site également de CKIA FM, le CKIAFM.org, pour aller chercher votre carte de membre pour encourager la station et en même temps votre émission favorite Puissance Maximale. Et c'est pas mal ça, je vous dirais. Donc, on va continuer en musique. On commence en musique comme à notre habitude avec une chanson sortie des Boulamites, mesdames et messieurs, tirée de la trame originale d'un des films de Rocky qui s'appelle Burning Heart des Survivors. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. We'll be right back. Jaune Jaune aussi écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Burning Heart de Survivor. Une excellente chanson. On avait une petite émotion, hein? Oui, ouais, moi, tout le long, là, c'était le point sur le cœur. J'avais envie d'aller me battre en Sibérie avec une tuque puis des billots de bois. Donc, de retour à Puissance Maximale pour la chronique de Mme Chantal Campagna, alias Fräulein Evil, de Distribution Doud. Salut Chantal, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et en plus, on a un de tes bons amis avec nous, M. François Gécouillard. Salut Chantal. François, qui est probablement un des seuls à se souvenir de Fräulein Evil. Bon, la planète entière se souvient de Fräulein. Ben, je suis content de te retrouver. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on se réserve un petit peu de fun et puis encore un petit peu d'autres fun. Alors, cette semaine, ben, on rappelle que en fin de semaine, c'est la grosse rencontre ludique de Granby qui se passe une fois par année. Et cette année, c'est le 10e anniversaire. Alors, ça se passe à l'Érablière, la Grillade, c'est au 106 des Érables, à Saint-Alphonse de Granby. Alors, c'est pas très loin de Montréal, ça se fait quand même bien, c'est près de Sherbrooke, c'est pas mal central, ça vaut la peine de se déplacer. Il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de fournisseurs et beaucoup de joueurs qui amènent des nouveautés, des jeux qui sont peu connus ou qui sont peu accessibles parce qu'ils sont pas distribués ici ou qui sont tout simplement pas encore arrivés. Il y a des gens qui amènent des collections de jeux hallucinantes. Et ce qui est très, très bien, c'est qu'il n'y a absolument pas de composante commerciale. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de commandite. Donc, c'est à la bonne franquette, c'est bien organisé, mais c'est vraiment pour les joueurs. Donc, le samedi, ça commence à 9h le matin et on ferme les portes à 2h du matin. Et le dimanche, ça sera de 9h à 16h30. Les repas sont inclus et il y aura aussi de l'eau sur place pour remplir vos bouteilles. Et une belle invitation. On va jouer, on va manger, on va boire. Bref, une belle fin de semaine. La dernière fois que tu nous en avais parlé, Chantal, tu nous avais parlé, c'est la dixième année, mais tu nous avais possiblement parlé peut-être une dernière année en même temps parce qu'il n'y avait personne pour relever le défi pour l'année prochaine. Est-ce que tu as eu des nouvelles par rapport à ça? Bien, en fait, ça reste toujours un peu dans le bar, mais tant que les organisateurs n'auront pas passé la serviette de façon officielle, évidemment, les gens espèrent toujours qu'ils vont le reprendre pour une autre fois. Donc, ça reste un peu dans le bar. J'ai l'impression que l'événement va être repris, mais on ne sait pas encore par qui. Par contre, ça fonctionne très bien, mais on sait que l'organisateur principal, IFANEUF, a fait 10 ans, je pense, qu'il a offert une contribution au monde ludique qui est incommensurable. C'est plus que Jean Charest. Pardon? C'est plus que Jean Charest. C'est plus que Jean Charest, puis il ne nous laisse pas avec une dette débile. En fait, il nous laisse une dette envers lui parce qu'il a fait découvrir le jeu à des centaines de personnes. Donc, on le remercie de tout notre cœur et on espère que l'événement va continuer. En espérant effectivement que quelqu'un reprenne le flambeau. Et tu vas aussi nous parler, un petit rappel, parce que dans deux fins de semaine, donc pas en fin de semaine qui s'en vient, mais l'autre, c'est le Comic-Con de Montréal. Ben en fait, c'est dans 8 de dos, je pense, que la Comic-Con commence. Cette année, ils ont rajouté un troisième jour, donc ça commence le vendredi le 14 et ça se poursuit le 15 et le 16 septembre. Donc le vendredi, c'est de 16h à 9h et puis ça commence à 10h le matin, le samedi et le dimanche. C'est au Palais des Congrès à Montréal cette année. Donc, on peut s'attendre à une belle organisation et une bonne organisation. L'an passé, ça l'avait eu des ratés. On était au centre Bonaventure. C'était trop petit. Les files d'attente étaient infernales. Mais le Palais des Congrès, ils sont vraiment équipés pour recevoir une foule. On attend jusqu'à 15 000 personnes. Et il y a vraiment des grosses vedettes cette année. Donc, on parle de William Shatner, évidemment, le capitaine Kirk. On a aussi le Jean-Luc Picard, donc Patrick Stewart. On a Adam Baldwin, qu'on a vu dans Firefly, puis qu'on a vu aussi dans Buffy. On a vu dans Angel. Il y a James Masters, qu'on a vu dans Buffy. Angel, qu'on a vu dans Torchwood aussi, qui va être là. Et évidemment, il y aura Will Wheaton, qui est la nouvelle star montante du monde ludique avec son émission Internet qui s'appelle Tabletop. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il invite des espèces de vedettes à jouer à des jeux et on les regarde jouer à des jeux, mais en ligne sur l'écran. C'est vraiment intéressant. Son montage est hyper dynamique et il met vraiment le jeu là à l'avant. C'est vraiment hallucinant l'effet que ça peut avoir sur un jeu au niveau des ventes quand il en parle à son émission Tabletop. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il aille faire un tour dans l'immense salle de jeu et de tournoi qui a été aménagée à la Comic-Con. Alors, ça aussi, c'est nouveau. Il va avoir des démonstrateurs sur place, une tonne de jeux, des tournois. On va pouvoir acheter aussi des jeux sur place. Ça va être débile. Donc, un rendez-vous pour tous les amateurs de science-fiction, de jeux et, bien évidemment, de comic book. Et il y a un jeu dont tu voulais nous parler également, Chantal, le jeu Rex, Les derniers jours d'un empire. Ben, Rex, Les derniers jours de l'empire, c'est une reprise de la mécanique de Dune. Donc, le système original de jeu Dune, ça avait été publié en 1982. Et ça avait été créé par Bill Herbel et Jack Kintredge, les auteurs de Rencontres cosmiques. Et ça, ce jeu-là, c'est un jeu qui est vraiment axé sur la négociation, mais c'est aussi la guerre. On va faire des alliances, mais évidemment, à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Donc, finalement, ce qui arrive, c'est que depuis la fin des temps, c'est les Lazax qui gouvernent la galaxie. Et puis, tout à coup, sans prévenir, un coup terrible fut porté au cœur même de l'Empire. L'Empereur est mort et maintenant, les autres races vont se battre pour la suprématie. Donc, en quelques heures, l'Empereur a été tué, son empire plongé dans le chaos, la galaxie s'enfonce dans la guerre civile, la lutte pour le pouvoir commence. Donc, on va retrouver vraiment des traîtrises, des négociations, des destructions. Est-ce que la galaxie va survivre? Sera-t-il englouti dans le chaos? Ou est-ce qu'un empereur va sortir des cendres? C'est ce qu'on verra. Ça s'adresse à 3 à 6 joueurs qui ont le temps, parce que c'est un jeu qui prend quand même de 2 à 3 heures. Et là, on parle assez conservativement. Moi, personnellement, je dis 1 heure par joueur. À moins que quelqu'un se fâche. Ça prend un peu le sens de l'humour parce que quand on se fait mettre le couteau dans le dos après 6 heures de négociation, des fois on est un peu fâché. Ça va être merveilleux et ça va arriver juste à temps pour Noël. Excellent. Donc un jeu qui n'est pas fait pour les mauvais perdants. Non, pas du tout. C'est quoi le nom du jeu? Rex, Les derniers jours d'un empire, François. Voilà. Et autre jeu dont tu voulais nous parler, Expérience interdite. Ben, Expérience interdite, c'est une extension et c'est pour les demeures de l'épouvante. Alors, les demeures de l'épouvante, c'est un jeu coopératif où un joueur va jouer la maison de l'épouvante, la demeure de l'épouvante. Donc, va gérer les monstres, etc. C'est le maître de jeu, finalement. Et les joueurs, eux, vont essayer de résoudre l'énigme. Il y a vraiment beaucoup de scénarios dans la boîte de base, des monstres et tout le kit. On ne joue jamais avec tout le matériel qui est inclus dans la boîte en même temps. Il y a des scénarios qui prennent 30 minutes, il y a des scénarios qui prennent 2 heures. Dans l'expérience interdite, ce qu'on va retrouver, c'est des nouveaux investigateurs, donc des nouveaux personnages, des nouvelles cartes trauma, des nouvelles cartes mythes, il y a nouvelles cartes combat, et on va aussi avoir 3 nouvelles histoires d'horreur scientifique dans lesquelles les investigateurs vont devoir lutter contre les forces du mal. Et il y aura aussi des nouvelles énigmes alchimiques, donc ça devient un petit peu plus corsé. Donc, c'est une extension, c'est pour les gens qui ont apprécié le jeu de base, qui commencent à en avoir fait le tour un peu. Avec cette extension, ça devrait leur redonner assez de carburant pour durer pendant une autre année. Donc, une belle extension pour le jeu Les demeures de l'épouvante. Et là, on s'approche d'un univers que j'aime beaucoup, un jeu qui s'appelle Maison Baratheon, Battle de Westeros, donc la bataille de Westeros. La bataille de Westeros. Bon, moi aussi, évidemment, je suis une grande fan de Game of Thrones. Je pense que tout le monde le sait. Ça fait déjà au moins 1 an que je parle de la série. On a parlé des livres, on a parlé de jeux de cartes, on a parlé de jeux de plateau. Les batailles de Westeros, c'est une adaptation du monde de Game of Thrones en mode combat. En fait, c'est une reprise de la mécanique de Battle Lore qu'on a repris et qu'on a mis avec le thème de Game of Thrones, parce que ça s'y prête bien. Dans Game of Thrones, on a des grosses batailles spectaculaires avec des fantassins, de la cavalerie, etc., etc. Donc, ça se prêtait vraiment très, très bien. La limite du jeu, c'est que c'était un deux joueurs. Alors, allez hop, cascade, on règle le problème avec la maison Baratheon. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est une introduction d'une nouvelle grande maison pour la bataille de Westeros. Donc, pour la première fois, les joueurs vont pouvoir assembler une armée composée uniquement d'unités aux couleurs de cette maison, parce qu'il y avait des petites extensions qui nous permettaient de jouer comme un bataillon de Baratheon, mais pas une armée complète. Donc là, on a des nouveaux commandants, des nouvelles unités, des 8 nouveaux scénarios aussi, parce que ça aussi, c'est un jeu où on joue jamais avec toute la boîte, parce qu'on a des scénarios et on va essayer de les résoudre. Il y a un nouveau plateau, des nouvelles règles, et ce que ça apporte aussi, c'est des nouvelles règles pour des batailles épiques. Donc là, on parle de bataille avec des alliances entre deux ou plusieurs joueurs, des scénarios qui vont s'imposer sur les deux plateaux, un nouveau plateau qui décrit la bataille de la Nera à Port-Réal, qui est quand même assez débile mental. Donc là, on va pouvoir aller jouer jusqu'à 8 joueurs. Mais là, on parle de vraiment une grosse table. J'avoue qu'à 8 joueurs, ça commence à faire des batailles assez épiques. C'est pas mal épique, effectivement. Ça va être génial. Et ça, ça va arriver aussi, évidemment, juste à temps pour Noël. Excellent. Et on poursuit dans le monde médiéval fantastique avec une extension pour un des nombreux jeux du Seigneur des Anneaux, une extension qui va s'appeler simplement Le Hobbit. Ben oui, alors ça s'appelle Le Hobbit par mont et par souterrain. Et ce qu'on va faire là, c'est, en fait, on voit l'apparition d'une nouvelle extension pour le jeu de cartes du Seigneur des Anneaux, qui est un jeu coopératif. Et c'est ce qui plaît beaucoup, c'est qu'on joue tout le monde ensemble contre le board. Dans chaque extension, il y a des nouveaux scénario. Et là, ça, c'est une extension de saga. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les extensions qui vont suivre, on va devoir jouer avec cette boîte-là aussi. Ça contient les trois nouveaux scénarios qui vont reprendre les épisodes qui sont les plus connus du roman Le Hobbit. On sait qu'il y a le film aussi, Le Hobbit, qui va sortir au mois de décembre. Tiens, curieusement, on se demande si c'est une coïncidence qu'ils sortent en même temps. On se le demande pas tant que ça, finalement. Donc, on va retrouver vraiment les personnages principaux. On va retrouver des nouveaux héros. On va retrouver plein de nouvelles cartes qu'on peut jouer avec les autres cartes qu'on a déjà. Parce que c'est du construction de deck, essentiellement. Tout le monde connaît le principe du jeu de cartes évolutif, qui se trouve à être du jeu de cartes à collectionner, mais on sait ce qu'on a dans le paquet qu'on achète. Donc, il va aussi y avoir un nouveau type de carte, les cartes trésors. My precious! Donc, c'est un jeu coopératif, l'extension Le Hobbit par mont et par souterrain, qui va s'en venir encore pour Noël! On va avoir plein de cadeaux, le fun à donner à nos amis joueurs à Noël cette année. Et là, Batman va commencer au mois de septembre, par exemple. Ok. Ça sera pas tout au mois de décembre. Ok. Un jeu qui s'en vient. Moi, ça m'a beaucoup intrigué le titre parce que je suis un grand fan de la série Kaamelott et le titre de ce jeu-là, c'est pas faux. Au début, je me demandais si ça avait rapport. Tu vas pouvoir me répondre, Chantal. Ben en fait, je vais avouer avec beaucoup de honte que je ne connais pas beaucoup la série Kaamelott. Honte à toi. Là, j'en ai vu, mais je ne suis pas capable d'écouter un épisode complet parce que je ris trop. C'est vraiment hilarant. J'ai vu l'épisode où il y a un des personnages qui explique un jeu de dés à un autre personnage. J'ai tellement ri, j'ai trouvé ça de toute beauté. C'est vraiment débile. Sûrement Perceval qui devait expliquer au tavernier à Caradoc comment jouer un des nombreux jeux du Pays de Galles. C'est probablement, mais en fait, oui, ça manque à ma culture. Je me dis tout le temps qu'il faudrait que je l'écoute. Alors, en fait, c'est pas faux, c'est un jeu de Scorpion Masqué. Alors, Scorpion Masqué, ben, on ne peut pas ne pas en parler. C'est notre petit éditeur québécois, finalement, qui, à chaque fois, édite un jeu, on dirait qu'il vient d'éditer de l'art. Donc, il se spécialise dans les petits jeux simples, faciles à expliquer, qui plaisent à tout le monde. Jeu de party, pas cher. Et c'est fait entièrement au Québec. Alors, monsieur ne se met pas derrière l'excuse que c'est fait au Québec pour le vendre plus cher, parce que c'est faux. Et grâce à lui, en fait, l'expertise de fabrication de jeux au Québec a énormément évolué depuis les 5 dernières années. Donc, ça vaut la peine d'en parler, de souligner ses efforts. Donc, Monsieur Scorpion Masqué a sorti C'est pas faux. Et ce jeu-là, c'est de 3 à 10 joueurs. C'est à partir de 10 ans. Et c'est des parties de 15 à 20 minutes. Dans C'est pas faux, c'est un jeu questionnaire où il faut répondre le plus vite possible, plus vite que les autres, mais donner les mauvaises réponses aux questions. Sauf que peut-être que la personne qui pose la question va donner un indice visuel comme quoi il faut répondre vrai à cette question-là. Donc, c'est vraiment, le cerveau fait des petites crampes, là. Parce que là, on se fait poser, par exemple, la couleur des schtroumpfs, et là, on veut répondre jaune, bien sûr, parce qu'il faut répondre faux, sauf que le poseur de questions glisse une carte qui dit vrai, donc il faut répondre vrai. Donc, notre cerveau doit faire un arrêt total et une marche arrière plus vite que les autres. Donc, ça occasionne des petits... Mais c'est vraiment génial. Donc, on rit beaucoup. La langue parlée en France, c'est l'espagnol. Le cri du chat, bien sûr, ouf, ouf. Mais sauf si, évidemment, il faut répondre vrai. Ah, ce genre de jeu-là, j'adore. Rapide, mais qui peut avoir justement des petits pièges comme ça, puis on devient tout mélangé. Là, ça, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est vraiment fait pour mêler les gens. C'est de toute beauté. Ça va arriver au Québec à la mi-octobre. Donc, il y a une très belle critique, d'ailleurs, qui a été publiée sur tricktrack.net aujourd'hui. J'ai hâte de voir, mais je crois qu'il va très, très bien faire ce jeu-là. C'est vraiment à surveiller. Donc, et après ce jeu-là, tu as des nouveautés dés à nous parler parce qu'on sait que tu es maniaque de dés et moi-même, on en parle souvent à l'émission. Moi, à chaque fois que je te vois avec toi. Oh oui, à chaque fois que je vois Chantal avec son gros bac de dés dans les conventions, j'en achète. Et là, tu vas nous parler de nouveaux dés finalement pour les ultra geeks. Ouais, ça, c'est vraiment des dés pour le geek le plus ultra. Donc, c'est des dés qui s'appellent Game Science. C'est des dés polyédriques de précision. Parce qu'on ne sait jamais quand notre jet de D20 va nous sauver la vie ou non. Donc, le principe derrière les dés de précision, c'est que ce sont des dés qui ne sont pas ancrés. Donc, ils ne passent pas à travers le processus de culbutage qui fait en sorte que les dés sont ancrés. Parce qu'on parle là, d'ancrage industriel. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 10 000 dés, qu'ils mettent dans une espèce de grosse cuve qui tourne comme la cuvette d'une sécheuse. Et ils remplissent ça avec de l'encre. Et là, ils font tourner. Donc, les dés vont s'user. Les arêtes des dés vont perdre de leur rigueur. Elles seront moins vives. Et à ce moment-là, les ultra-geeks disent que ce sont des dés qui sont moins bien balancés, moins précis. Donc, les dés de Game Science ne sont pas ancrés. Ils ne vont pas à travers le processus de culbutage. Donc, les arêtes sont très, très vives. On peut presque se couper avec. Donc, les vraiment ultra-geeks le recherchent beaucoup, ce système, et ils sont vraiment aussi très, très beaux, on dirait des diamants. Oh, que je sais ce que je vais m'acheter quand je vais te revoir, Chantal! Puis ça, est-ce que c'est des dés qui sont exceptionnellement plus chers? C'est quoi la différence de prix? Non, ils sont pas plus chers, c'est qu'ils sont pas ancrés. Donc, pour 10$, on a un set de dés polyédriques très ordinaire, mais qui n'est pas ancré. Par contre, c'est de précision. Donc, c'est vraiment là l'item à apporter à la partie de jeu de rôle. Là, on sort le set de dés de Game Science, puis on fait « Ouais! » Parce que c'est vraiment nous là qui est le plus geek. À moins qu'un de vos copains sorte son super D20 35 mm. Donc, on parle d'un dé jumbo qui pèse à peu près 250 grammes et c'est en pierre semi-précieuse. Excusez-moi, pardon. Lui est là en même temps que vous, peut-être, qui va vous voler votre vedette. La compétition niveau D. Ah, c'est sûr que je vais aller m'acheter ça. Et préparez-vous, Donjons et Dragons, j'arrive. Non, ils sont vraiment magnifiques, les dés en ça, en pierre semi-précieuse. Un gros D20 en jade, un œil de tigre. C'est vraiment le cadeau parfait pour le geek qui a déjà tout. Excellent. Hey, je prends ça en note. Et finalement, Chantal, une dernière chose avant de se quitter. Tu voulais nous parler de Vanuatu, mais qu'est-ce donc que ceci? Vanuatu. Vanuatu. C'est la cerise sur le Sunday ludique des jeux de que j'ai mal au cerveau quand j'ai terminé. Vanuatu, c'est un jeu de programmation, mais c'est aussi un jeu de majorité, c'est un jeu de développement, c'est un jeu de blocage, c'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions aussi entre les joueurs, contrairement aux jeux de gestion conventionnels comme Puerto Rico, par exemple, ou Agricola. Et il y a vraiment beaucoup de choix à faire. Donc, dans Vanuatu, ce qu'on va faire, c'est qu'on se met dans la peau d'un Vanuatan, donc un autochtone local. Et lui, ce qu'il veut, c'est prospérer. Donc, la partie va durer 8 tours. Et à la fin du tour, ce seront les points de prospérité qui vont gagner. L'argent ne vaut rien. Parce qu'on va convertir l'argent à mesure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir s'adonner à des activités lucratives qui vont nous donner de l'argent, comme dessiner sur le sable, par exemple, transporter des touristes dans les îles paradisiaques, etc., etc. Il y a 9 actions. Pour faire les actions, on va devoir mettre nos pétounes, donc on a des marqueurs, j'aime mieux dire des pétounes. On a nos marqueurs et on va les poser sur une ou plusieurs actions pour déterminer « moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça ». Quand tous les joueurs ont posé leur pétoune, pour chaque action, on va déterminer qui a le plus de marqueurs. Et c'est cette personne-là qui va jouer cette action-là, tout simplement. Les autres ne pourront pas la faire. Quand la personne a joué son action parce qu'elle avait la majorité, elle va retirer ses marqueurs et les autres joueurs, dans des tours subséquents, vont pouvoir ajouter à leur majorité. Par contre, si tu as gagné 0 majorité pendant un tour, tu vas tout enlever tes pitounes du plateau. Tu as essentiellement gâché, ben en fait, gaspillé un tour de jeu. Donc, c'est quand même assez retard parce que les ressources sont épuisables. Il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, il y a une très, très belle compétition qui s'installe parce qu'on veut tout faire, mais on ne peut pas. Donc, une belle source de frustration, un peu comme Amiétis de Hystari. C'est vraiment génial. On veut faire 4 choses parce qu'on a peur que les autres les fassent avant, mais on ne peut pas en faire plus que 3. On va pouvoir faire aussi... on va pouvoir se faire aider dans notre tâche par des personnages qui vont nous donner des petits bonus. Mais encore une fois, ces personnages-là vont pouvoir aider tout le monde. Ils ne nous sont pas du tout exclusifs. Donc, et on va pouvoir aussi gagner de l'argent. Mais à chaque fois qu'on réussit à ramasser 10 $, ils vont se convertir automatiquement en points de prospérité, même si on en avait besoin pour le prochain tour. Donc, il faut vraiment gérer le portefeuille aussi. C'est de toute beauté. C'est un des plus beaux jeux de gestion à être arrivé sur le marché depuis plusieurs années, je dirais. C'est vraiment original, mais ce qui le rend différent, c'est l'interaction, parce que l'interaction est vraiment hallucinante. Excellent. Ce jeu s'appelait Vanuatu. Hey, écoute, Chantal, une autre belle chronique pour nous parler de jeux de plateau et d'événements ludiques. Je te remercie encore de ta participation à Puissance Maximale et on a déjà hâte de te reparler la prochaine fois. François? Salut, Chantal, c'est un plaisir. Ben, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Au revoir, Chantal, et merci beaucoup encore. Et on continue en musique après cette excellente chronique de Chantal. On va vous faire passer à un autre classique, un autre souvenir qui s'appelle Biniki de Dragon Rose. C'est une émission qui passait à Canal Famille à l'époque et dont la chanson m'est revenue cette semaine. Donc on vous passe à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Thank you. je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, merci Normand de nous parler de ça après qu'on ait parlé de Dragon Rose. Ça fait, c'est cohérent. C'est cohérent, ça suit une suite logique. Effectivement. Et de retour à Puissance Maximale, et on va vous parler aujourd'hui d'une nouvelle un peu triste pour la communauté de fans geeks de Québec. En fait, on a appris aujourd'hui par la... par l'entremise, l'intermédiaire des réseaux sociaux, principalement Facebook, de l'annulation de l'édition 2012 du festival Cap et Kimono à Québec, qui devait avoir lieu au dans le Vieux-Port, je me rappelle pas. L'espace d'Alousie. À l'espace d'Alousie, dans le Vieux-Port. Et attristé parce que vous savez, on en a déjà parlé à l'émission, moi et Andrew, on est de l'équipe fondatrice du festival Cap et Kimono. On a participé à la première édition et c'est toujours plate d'apprendre qu'un projet comme ça auquel on a participé s'éteint. Malgré que les organisateurs, nous on a parlé évidemment aux organisateurs, on a nos entrées dans ce festival-là, on a appelé les gens et donc ce qu'on a su et c'est ce qui est vraiment marqué là, sur le message qui est envoyé sur Internet, c'est que ce n'est pas une fin officielle pour le festival Cap et Kimono. C'est une annulation de l'événement 2012 pour la simple et bonne raison qu'il y a un manque d'équipe au niveau de l'organisation. Ils sont quelques personnes à essayer de faire rouler tout ça. Et malheureusement, on vous rappelle que faire des festivals comme ça, ben c'est être bénévole. C'est des OSBL, donc des organismes sans but lucratif qui organisent tout ça. En tout cas, dans le cas de... Dotakuton, J-Anime, Cap et Kimono, c'est des OSBL qui organisent ça, donc pas de profit. On est là pour faire runner l'événement d'année en année et les seuls profits finalement servent à être réinvestis dans l'événement de l'année d'après. Et c'est des gens bénévoles, ils sont pas payés. Donc là, on se retrouve avec des gens qui travaillent à temps plein habituellement là, le reste de leur vie, ils ont une vie à eux plus l'organisation de ça. On sait de quoi on parle là, on l'a fait et c'est beaucoup beaucoup beaucoup d'énergie à mettre, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, beaucoup de joie, beaucoup de peine, c'est beaucoup de tout. Ouais, c'est ça, on passe par plusieurs étapes quand on organise ça et malgré tout ça on regrette pas. Moi je regrette pas ma première année à Cap et Kimono. Je suis parti parce que j'étais trop fatigué, je savais que je pouvais pas suivre et c'est ce que les gens ont fait pour la prochaine édition. C'est malheureux, certains diront, mais en même temps, est-ce que les gens, la communauté de Québec a couru après? Peut-être, parce que s'il y a un manque, les gens sont toujours prêts à s'y présenter une fois rendus sur le plancher pour aider, mais le reste de l'année pour l'organisation, ça parle fort, mais... Surtout que c'était pas la première fois aussi qu'on voyait l'organisation en lançant un appel à l'aide sur les internets, justement pour dire, on a besoin d'aide, on a besoin d'organisateurs, les bénévoles c'est une chose, mais on a besoin de staff, on est sous-staffé, et ça fait plusieurs mois, même mais en fait, Julien Materne, qui était un des fondateurs avec nous de l'organisation, il a quitté, ça fait un bon moment, l'organisation. Puis même à l'époque où il était là, c'était un problème criant. Ben, c'est un problème dans toutes les conventions. Ça, on se le cache pas, là, ce genre de convention-là. Il manque toujours de staff. Mais là, à Cap et Kimono, cette année, c'était plus criant, un peu comme manque. Donc, c'est plate parce qu'il y a des gens qui sont très compétents, mais qu'une fois qu'ils ont le temps de travailler, ils travaillent pas. Donc, on peut pas se permettre non plus d'avoir ce genre de personnel dans une organisation. Alors, placer des responsabilités entre les mains, finalement, ça se fait jamais. Et être obligé de reprendre tout ça à la dernière minute, c'est pas ce genre de choses qu'on aime faire lorsqu'on organise ce genre de festival-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon. Donc, c'est arrivé. Puis là, il y a déjà des gens là, sur Internet qui spéculent sur la fin de l'événement pour les raisons. Moi, je peux vous confirmer à 100% après avoir parlé à tout le monde et à d'autres gens autour de la convention et pour avoir vu de l'intérieur ce qui s'est passé dans les autres années avant et dans d'autres conventions également, que c'est bien la bonne raison. Et que c'est pas une question de chicane de perron comme certaines personnes pensent. Effectivement, c'est une simple raison qu'on veut avoir une vie en dehors de l'organisation d'un tel festival et que l'on, qu'on est rendu à un point où qu'on en a plus puis que ça envahit nos vies personnelles au point qu'il y a rien d'autre, ben on doit mettre la clé sous le tapis. C'est une belle, je pense que c'est un beau message, c'est une petite claque peut-être aux gens de la communauté de Québec, peut-être que vous voulez avoir des bons événements, c'est pas juste le fait de chialer, c'est de de critiquer constructivement. Si on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, vous les critiquez, ben faites-le de façon constructive, amenez des bonnes idées aux gens et impliquez-vous. Cette semaine, pour les élections provinciales, ma réponse au cynisme que j'ai fait sur Internet, c'est quand les gens arrêtent pas de chialer que tous les politiciens, c'est des crosseurs, tout le système est pourri, ben impliquez-vous. Hein. Partez-les votre parti politique, impliquez-vous dans les partis politiques présents, essayez de faire changer les choses, arrêtez de chialer tout seul dans votre coin et dire que tout est de la merde. Écoutez, c'est la même chose dans les conventions. Si vous trouvez que c'est pas, ça avance pas, critiquez, oui, faites-le de façon constructive, mais ça va, allez-y, intégrez-vous à ce genre de... c'est pas un cercle fermé, là. Envoyez des courriels pour vous impliquer. C'est la meilleure chose si vous voulez qu'un événement prenne une nouvelle couleur ou s'améliore tout simplement parce qu'il manque de staff. Donc, c'est la même chose. Il faut s'impliquer, ben il faut le faire aussi. Puis Cap et Kimono, c'est un bel événement. La première année, c'est sûr que je vais dire que c'était un bel événement. J'y ai participé activement à l'organisation, malgré les problèmes qu'on avait eus, ça, on l'a reconnu. Mais la deuxième année, j'y suis allé également, malgré mon que je m'étais pas impliqué du tout dans cette organisation-là. Et j'ai été vraiment impressionné par la deuxième année. Une belle offre, une tournure plus générale geek, mais quand même très, très, très belle offre au niveau du festival. J'avais été très content d'y avoir été et d'avoir vu ce que j'ai vu. J'étais sûr que la troisième année serait encore meilleure, mais malheureusement, vu ce qui s'est passé, c'est la fin de Cap et Kimono pour l'année 2012. On va espérer que une équipe d'organisation se reformera pour nous amener une année 2013 et quelque chose d'intéressant. Puis en même temps, je trouve ça très honnête de la part des organisateurs de faire ça, dans le sens où on va pas se retrouver avec un festival qui est que l'ombre de lui-même parce que les gens ont pas eu le temps. On se retrouvera pas avec quelque chose de très mal organisé, des gens qui vont être déçus. On est honnête avec les gens, on leur dit on sera pas capable de livrer la marchandise, on va rester à la maison, on va essayer de vous concocter quelque chose pour une prochaine fois, on va espérer. Donc, pour la communauté de Québec, je lance l'invitation de la part de la gang de Cap et Kimono et de toutes les conventions qu'il y a au Québec et de ce genre d'événements-là. Vous êtes intéressés à ce que ça perdure comme événement, ben impliquez-vous, mais de façon sérieuse. Vous voulez aider, ben dites-le tout de suite et aidez dans la mesure du possible et dans la mesure de votre possible surtout. Donc, si vous n'êtes pas capable de tout faire, ben dites pas « oui, je suis capable de m'occuper de faire les activités du site Internet et de la trésorerie ». Non, faites ce que vous êtes capable de faire et faites pas d'accroire aux gens de l'organisation. Comme ça, tout le monde va avoir leur juste. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, je pense qu'en tout cas, on a fait le tour de la nouvelle. C'est triste pour Québec qui a perdu une très bonne convention d'animé, mais aussi geek en général. On va espérer que la gang de Cap et Kimono va nous revenir l'année prochaine pour une nouvelle édition améliorée. Ou en 2014, ou ça prend une année de break pour faire le point. Sur leur lettre, ils disaient là, qu'ils étaient incertains pour le moment. L'équipe est en réflexion. Moi, je me dis, si ça prend une année de réflexion pour qu'ils reviennent en forme, pépé, avec une nouvelle équipe, un nouveau projet, pourquoi pas? Puis je lance ça à la communauté aussi. Si vous voulez que les gens reviennent, si vous voulez leur montrer votre support, ben envoyez des commentaires, envoyez-leur des messages. Dites-leur que vous voulez que ça revienne. C'est sûr et certain que quand on le sait que les gens attendent cet événement-là, je sais que les gens sont... C'est ce qui est le problème sur les réseaux sociaux. Les gens sont beaucoup trop discrets quand c'est pas le temps. Tu sais, quand c'est le temps d'amener leur support à des activités, à des événements comme ça, ça, on n'entend jamais personne. Et pour dire des niaiseries, pour envoyer des chaînes de lettres puis des images stupides sur Facebook, quand c'est le temps de parler de politique, de choses sérieuses, on envoie des niaiseries puis on entend du monde dire des grossièretés puis des énormités. Ça, il n'y a pas de problème, le monde, ils ont du temps à perdre là-dessus. Mais quand c'est le temps de supporter des événements, des organisations importantes, entre autres comme Québec Kimono, bien que ce soit n'importe quoi, des choses importantes qui leur tiennent à cœur, ben là, ben, ah, oh, ils savent que j'aime ça. Non, on le sait pas. On n'est pas connecté à vous tout le temps. C'est la même chose pour Puissance Maximale. Nous, on fait la radio. On a quand même les statistiques du site, mais on sait pas tant que ça. C'est toujours le fun quand vous venez aimer la page, mais on n'est pas toujours dans vos salons. C'est toujours le fun de voir un petit commentaire des fois sur le Facebook disant « Ah, Puissance Maximale, bonne émission », comme Luduc a fait, moi, je pense, la semaine passée ou l'autre d'avant. C'est toujours une bonne petite tape sur l'épaule qui fait du bien. Surtout quand on est bénévole, comme ici, et dans les organisations de convention. Bref, voilà, c'était pour vous résumer un peu la nouvelle qui est sortie aujourd'hui de l'annulation de Cap et Kimono 2012, une nouvelle désolante, mais C'est la réalité. Donc, Communauté de Québec, si vous êtes intéressé à participer ou juste encourager les jeunes Capikimono, puis les féliciter tout simplement pour le beau travail qu'ils ont fait dans les deux dernières années. Écoutez, allez sur Facebook, félicitez-les. Et, ou encore écrivez à l'adresse courriel qui est écrit sur leur site d'écrire en cas de commentaires et de questions. C'est ça qui est à M. Gabriel Lévesque, je pense, président de la SHDR. Vous êtes trop gêné de le faire en public, vous pouvez faire ça dans le confort du privé. Exactement. Donc, après cette petite nouvelle, en fait, grosse nouvelle, mais petit résumé, on y va avec, c'est une chanson d'Andrew, je pensais. Tu nous as amené une chanson cette semaine que, bien, ça fait un bout que tu veux nous l'amener, mais tu pensais jamais. Bon, c'est ça, tu mets ça sur ma faute. Ben, tout à fait. En fait, groupe qu'on a déjà passé, groupe qui s'inspire de la mode de steampunk, le groupe Apnée Park, la chanson de Clock Yard qui raconte l'histoire d'un gars qui se construit à partir de pièces d'horloge et tout ça et qui veut quitter le Clock Yard. Tune que j'aime bien, avec un petit beat entraînant. On vous joue ça sur les ondes de puissance maximale. Bonjour, je m'appelle Isaac. Bonjour, je m'appelle Isaac. Ah, ben bon. C'est... Bonjour, Isaac. La toune ne veut pas partir. Bon, ben écoute... Alors, on va passer à l'autre, d'abord. Bon, on va mettre une autre chanson. Écoute, Andrew, t'es vraiment pas dû pour nous faire entendre ta chanson. On va continuer avec System of a Down et la chanson Sweet Pea qu'on retrouve sur l'album original que je nomme affectueusement La Main. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour quelques nouvelles en rafale, nouvelles ludiques. Skyrim Dawnguard menacé sur la PS3, mesdames et messieurs, on en parle depuis quelques semaines. Et donc, si les joueurs, c'était des nouvelles tirées du site jeuxvideo.com, si les joueurs PC et Xbox 360 peuvent profiter de la première extension de Elder Scrolls Skyrim, donc depuis le début du mois d'août, les joueurs de PS3 doivent encore attendre après Dawnguard. Ça se pourrait même que ne voit jamais le jour sur la machine de Sony. Voilà ce qui a été écrit et je cite: Skyrim est un jeu massif et dynamique qui requiert beaucoup de puissance et les choses deviennent encore plus compliquées lorsque vous parlez de contenu d'une bonne taille comme Dawnguard. Nous avons essayé beaucoup de choses, mais aucune d'entre elles n'a suffi à faire que Dawnguard soit un DLC correct pour tout le monde. La PS3 est une machine chaîne puissante et nous travaillons dur pour vous offrir ce contenu. Dawn Guard n'est évidemment pas le seul DLC sur lequel nous travaillons, ce qui fait que l'ajout de nouveaux contenus devient de plus en plus difficile. C'est un problème que nous avons du mal à résoudre, mais nous y travaillons conjointement avec Sony. Je trouve ça plate parce que ça dit pas grand-chose. Et ça prouve le point qu'on avait dit la semaine passée. Bethesda a de la misère avec la console de Sony. C'est pas de la mauvaise foi, là, la connaissance ben, Bethesda. C'est juste parce qu'il y avait Julien Materne qui était ici la semaine passée, puis il disait « Ah, ça a toujours été en retard, des patchs. » Puis nous autres, on se disait « Non, Bethesda l'ont dit, ils ont de la misère à programmer avec Sony. » C'est pour ça que les patchs arrivent plus tard aussi sur Sony. Et encore là, c'est un bel exemple. Ça dit pas grand-chose comme message, mais bon, ça confirme qu'ils ont de la misère. Autre nouvelle rapide pour les amateurs du jeu City of Heroes, ben c'est la fermeture du jeu City of Heroes. Moi, je suis un ancien fan de la série. NCSoft vient de tomber, ça vient de faire tomber le couperet sur le MMO, qui fermera ses portes à une date encore non précisée, là, avant la fin de l'année, on nous a dit. Le studio Paragon, qui avait repris la suite de Cryptic, qui avait fait le jeu, ben, ça sera lui aussi toute activité dans la foulée. C'est pour donner une idée. Donc, NCSoft donnera la plus ample des informations sur les événements à venir et la façon dont City of Heroes tirera sa révérence. Il y a des joueurs qui ont évidemment lancé une pétition pour sauvegarder le jeu. Donc, City of Heroes, on vous rappelle, un jeu où vous pourriez créer votre super-héros. Moi, j'avais bien aimé ça comme MMO, mais j'ai décroché depuis longtemps. Ben, moi, je dirais qu'ils pourraient tout simplement baisser le nombre de serveurs puis mettre le jeu en free-to-play. Il est déjà en free-to-play, en fait, City of Heroes. Ah. Il y avait un système de... On pouvait acheter des nouveaux systèmes. Et, en tout cas, s'il pourrait au moins l'offrir à des gens qui pourraient se le mettre peut-être en serveur privé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. Valve devient constructeur de matériel. Après des informations, les démentis des rumeurs au début de l'année, il y a cette fois plus aucun doute à avoir. Valve s'engage bien sur le chemin du hardware. Donc, jusque-là, cantonné au rôle d'éditeur de jeux et de distributeur avec Steam, ben, Valve avoue enfin son désir de toucher au monde du matériel et la compagnie cherche actuellement à embaucher un designer industriel pour concrétiser ses plans. Donc, et voilà pour, ça s'en vient, là, pour les amateurs et designers de jeux vidéo et de consoles et de hardware, ben Valve s'en vient. Donc, c'est une confirmation. Ça s'en vient pour Valve. Un autre compétiteur dans la guerre de la Trinité. La Sainte Trinité va être brisée. J'ai hâte de voir ça. Avec la Ouya, puis Valve qui rentre là-dedans, ça va être de toute beauté. Autre nouvelle que Andrew va aimer, Ubisoft abandonne ses DRM. T'es content, là? En fait, je suis en état de choc. On avait, je lis encore la nouvelle ici, là. On avait déjà pu le constater depuis quelques mois, mais cette fois, c'est officiel. Ubisoft abandonne ses DRM fortement controversés, comme explique Stéphanie Perlotti, directrice monde des jeux en ligne chez Rock Paper Shotgun. Ça en est donc terminé les activations limitées d'un jeu, du nombre restreint de machines sur lesquelles l'installation était possible, ou encore de l'obligation d'être connecté en permanence pour jouer à des titres solo. Les jeux PC Ubisoft ne nécessiteront plus qu'une seule activation à la première installation. Ben, d'un autre côté, Ubisoft s'était déjà fait contacter par des pirates pour dire « Écoutez, vos DRM sont ridicules, on les défonce pareil et vous faites que pénaliser vos joueurs. » Ubisoft avait commencé à descendre la quantité de DRM dans leur jeu, mais c'est une bonne nouvelle. On est content. Et une autre nouvelle que Andrew va moins aimer cette fois-là, le MMO Terra serait en danger. Je m'y attendais. Donc, après un long message diffusé sur le site officiel de Terra, l'un des producteurs du MMO nous annonce que dès le 18 septembre prochain, les serveurs du titre seront nettement moins nombreux aux États-Unis. Il passera alors de 11 à 3 serveurs, certains d'entre eux ayant depuis quelque temps une activité particulièrement faible. On s'en doute, on va passer un peu la pilule en disant qu'il s'agit tout simplement de combler les attentes des joueurs en permettant à la communauté de s'unifier en rendant l'univers de Terra plus vivant. Mais ça signifie surtout que les joueurs s'aventurant dans le monde du MMO sont de moins en moins nombreux. Donc, l'équipe promet que cette mesure permettra également d'augmenter le nombre d'événements programmés, ce qui devrait arriver dès la fin du mois de septembre. Mais au moins, ils sont rapides sur les mises à jour. Ils en ont fait beaucoup. Je reçois leur courriel, là. Mais effectivement, ça n'a pas levé autant qu'ils l'auraient voulu en Amérique du Nord, puis c'est dommage. Malheureusement. Et une dernière nouvelle rapide, c'est le début de la bêta de StarCraft 2 Heart of the Swarm. Donc, vous pouvez aller vérifier vos comptes Battle.net. Les premières clés d'accès de la bêta sont actuellement distribuées. Second segment de StarCraft 2 se concentre sur les ergs, mais apporte également son lot de nouveautés pour les autres races, des nouvelles fonctionnalités. Et voilà. Donc, je sais que Andrew et moi, en tout cas, moi, j'avais critiqué un peu le fait qu'on nous sortait ça en 3 volets. Mais si c'est des jeux assez complets pour sortir en 3 volets à $60 le volet, Mais j'ai hâte de voir. Moi, j'aurais deux nouvelles rapides avant qu'on finisse l'émission, Monsieur Michaud. Premièrement, la Vita, la console que je trouve qui manquait un peu d'amour. Les hackers seraient quasiment à veille d'avoir passé à travers. Sony avait sorti la Vita en disant ça va être la console portable non piratable. Ils se vendent tout le temps qu'ils vont faire ça. Mais il y aurait un monsieur ou une madame, Yifan Lu, qui aurait sorti des codes sources et serait à l'élaboration d'un lanceur de homebrew. Et sachez que les homebrew, dans le fond, c'est des logiciels, des jeux ou des applications indépendantes qui sont souvent utilisées pour le piratage. Donc, il n'y a pas de date à quand que ça va sortir, mais c'est pour très bientôt. Deuxième nouvelle pour fans de personnes de jeux social sur Facebook, la compagnie Zynga a lancé dernièrement Farmville 2. Non! Donc, préparez-vous, vous allez vous faire polluer votre fil de nouvelles avec des nouvelles de Farmville 2. La différence avec le premier opus? Il est en 3D. Opus, qu'on dit, Endo. Opus. Il y a un S à la fin. Donc, juste les deux, ils sont en 3D, c'est tout? Ben, il y a des nouvelles fonctionnalités, là, comme un petit système de crafting, puis des choses comme ça, mais tu sais, ça reste dans la branche du social. Merci beaucoup, Andrew, pour cette nouvelle les plus intéressantes pour Farmville 2. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Déjà une grosse émission, comme vous avez pu l'entendre. On remercie Mme Chantal Campagnard de sa présence pour nous parler de jeux de plateau et d'événements ludiques et de dés. Merci Chantal de Distribution Audio d'avoir participé à l'émission. Remercie Monsieur François Gécouillard qui est avec nous pour le début de l'émission. Merci François d'avoir été là. Toujours un plaisir de revoir le grand Manitou. Tu nous manques François. Et oui, on a hâte de te revoir déjà. Toujours un plaisir d'avoir le grand Manitou de Puissance Maximale avec nous. Merci à Monsieur Andrew Castegan à la console et aux chroniques et aux commentaires. Merci Andrew d'être là à chaque semaine. À votre service. Et mon nom à moi c'est Michael Michaud, votre animateur, votre serviteur ludique. Toujours content d'être là à chaque semaine. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez chercher nos anciennes émissions, nous écouter. Allez nous aimer sur Facebook. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Allez aussi sur ckiafm.org pour vous tenir au courant du concert bénéfice du 4 octobre qui s'en vient avec le groupe Red Sand et d'autres événements importants que ça vienne à CKIA. Allez voir ça et allez chercher votre carte de membre, seulement 20$ pour encourager l'émission et la station. Et en terminant, comme à chaque semaine, je vous souhaite une excellente semaine de jeu et vous rappelez en même temps que ça fait 5 ans cette semaine que Puissance Maximale existe, donc 5 ans qu'on vous sert ludiquement, un plaisir et donc, comme je vous disais, un autre 5 années de jeu pour Puissance Maximale, je l'espère. It's D&D warriors who terrify. It's D&D virgins till the day we one, two, three, four, die.